bien trop timide pour t'avouer mon amour. Cet amour qui me rend si malheureux. Pourtant je sais qu'un jour, ça finira. J'aurai la force au moins de t'approcher. Si le soleil pouvait parler, je lui demanderais de t'apporter chaque matin un petit bonjour. Mais si tu comprendrais que je t'aime à la folie, que je voudrais t'avoir pour l'éternité. Si tu veux, dans les autres prières, tu gardes bonbon sirop, à la fonte, anana peine sur moi, à la fonte, sirop à Japon, à la fonte, mes gâteaux miel moi, à la fonte, tous ma foi, à la fonte, tous ma foi. Maman, c'est jouer ta vie. Non, jouer. Moi, tu m'aimes, mais t'as un petit bout de radio, mais tu là. Ma vie la donne, ma vie, ma chasse, on t'y pose case. Non, jouer. Bon, loi, mon don, qui monte, moi. Et puis, moi, je vais te tout bonnement, ma descend. Ma descend, oui, ma descend. Et puis mes mains a tombé sous table à ti qui t'a petit là. Trouvez maman t'a gardé dans tout. Allez maman dit, regardez non, Jacqueline. Jacqueline qui t'a joué là. Qui t'a joué là? Moi ma qui joué là qui est danger. Joué là qui est danger. Bah pas là, les quoi qui t'a joué là? Qui t'a joué là?